Chapitre 28e. On a vu que, malgré la monotonie d'un grand voyage sur l'eau, j'avais eu toutes sortes de distractions. D'abord, celles que m'offraient les beautés d'une navigation unique dans le monde, puis les petites scènes de bord, et surtout celles que mon amour du travail m'avait procurées. Car à part quelques contrariétés, j'avais assez bien passé mon temps. Maintenant, j'allais me fixer à terre pour quelques mois, voir des tribus nouvelles, faire des études sérieuses, continuer mes collections, réparer mes avaries en photographie et par-dessus tout me refaire libre de toute contrainte. Le bon monsieur Home me fit débarquer avec lui et me conduisit à sa maison. Il me donnait l'hospitalité du logement. Ma première visite à Manaus fut pour le colonel de la garde nationale. Il eut la complaisance de m'accompagner chez le vice-président de la province du Haut-Amazone. Là, je trouvai le chef de la police, pour lequel j'avais également une lettre d'introduction. Ces messieurs eurent la bonté de se mettre à ma disposition et me firent beaucoup d'offres de service. Cependant, la nuit était venue, et chacune des personnes chez lesquelles j'étais allé, me croyant engagé ailleurs, aucune d'elles n'avait songé à m'inviter à dîner. Après un repas exigu que je me procurais à grand-peine, j'allais donc accrocher mon hamac chez M. O, ignorant toujours où était Polycarpe. Le lendemain, sans voir personne, je partis à la découverte, étant très décidé à me loger près des bois, en supposant que cela fût possible. Nous marchâmes bien longtemps, Polycarpe, qui m'était revenu, et moi, sans que seul oiseau se fît voir. Le pays était monotone, sans intérêt. Nous marchions à l'aventure. Je commençais à perdre courage lorsque j'entendis au loin le bruit d'une cascade qui fit sur moi le même effet qu'une trompette sur un cheval de bataille. Dès ce moment, je ne connus plus de fatigue, et j'arrivai au milieu d'une immense clairière, suite d'un défrichement récent entouré d'arbres prodigieusement grands, dont la base était dans l'eau. C'était l'écoulement d'une grande cascade. Ses eaux, comme celles du Rio Negro, étaient noires. Je suivis quelque temps la petite rivière. J'avais trouvé ce que je cherchais pour mes études, mais il ne fallait pas songer à aller tous les jours si loin. J'étais à réfléchir si je ne me ferais pas construire une baraque pour venir vivre là. Polycarpe, que j'avais envoyé à la découverte, arriva au petit pas comme il était parti, se conformant ainsi à l'usage indien de faire toujours à sa tête et non autrement. Car je lui avais dit d'aller vite et de revenir de même s'il découvrait quelque chose d'intéressant pour moi. Il savait ce que je désirais. Il vint donc, très doucement, et pour m'indiquer ce que nous cherchions, il commença à se servir d'un procédé qui lui était propre. Au lieu de m'indiquer avec le doigt ce dont il était question, il se tourna du côté d'où il venait, et levant la tête de bas en haut, il forma avec les lèvres la voyelle U, ainsi que le maître de langue dans le bourgeois gentilhomme. Plus tard, et pour varier, il imitait instinctivement les carpes de Fontainebleau, mangeant le pain que les badauds leur distribuaient chaque jour. Je le suivis, et je m'égratignai un peu en marchant au milieu de plantes à pointe aiguë. Enfin, j'aperçus ce que je n'aurais pas osé espérer, une case habitée, et une autre plus éloignée, à moitié construite. Quand j'arrivai près de la case habitée, je me vis entouré d'une foule d'animaux de toutes sortes, et excepté les chiens et une famille de chats, je n'en reconnus aucun ressemblant à ceux d'Europe. Un perroquet de l'espèce amazone était perché sur la barre de bois qui formait l'arête du toit de palmier. Quelques hocos noirs, à bec rouge, un peu semblables à des dindons, vivaient ainsi que d'autres oiseaux domestiques en bonne intelligence. Sur la porte, un grand nègre, paraissant très vigoureux, se tenait les bras croisés. Un fusil de munitions pareil à ceux de l'armée était à ses côtés. J'allai directement à lui, suivi à 100 pas au moins de Polycarpe. Je savais toute l'importance d'un blanc en présence d'un nègre, et j'allai m'asseoir dans la case, sur un banc, en passant près de celui-ci et lui faisant seulement un petit signe de tête amical. Je demandai à mon homme à qui appartenait ce terrain défriché, ses cases, et à quel titre il était gardien de tout cela, puisque je ne voyais personne autre que lui. Avant de me répondre, il alla me chercher dans une calebasse de l'eau fraîche. Il versa dedans un verre de cachaça et vint me l'offrir très respectueusement. Il m'avait vu m'essuyer avec mon mouchoir. J'acceptai avec plaisir. Je crois que s'il m'avait donné de la farine de manioc, à moi qui ne l'aimais pas, j'aurais accepté de même. Polycarpe arriva enfin. Il devait m'aider dans cette conversation assez embarrassante avec le peu de portugais que je possédais. J'appris que tout cela appartenait au colonel B, commandant d'armes de Manaus, que Chrysostome, le nègre, était soldat et qu'il allait de temps en temps à la ville. Je me hâtais de revenir sur mes pas, et muni d'une lettre d'introduction que m'avait donnée le colonel de la garde nationale, j'allais directement la porter au commandant de la place. Le hasard me servit. Il avait été en France, il parlait notre langue très purement, et de plus, chez lui se trouvait le jeune docteur brésilien avec lequel j'avais fait le voyage depuis Paria. L'autorisation de loger dans la case me fut accordée à l'instant. Le colonel voulut m'installer lui-même. En attendant, il m'offrit à dîner chez lui. J'allais avant le dîner visiter une ménagerie composée de singes, d'oiseaux du paria, de hocos, de coqs de roche. Je fis bien dépêcher d'envie, surtout à l'endroit du coq de roche, bel oiseau de couleur orange, orné d'une crête de même couleur. Les Indiens assurent avoir vu ces oiseaux s'assembler sur des pointes de rochers et danser en rond pendant longtemps. J'aurais voulu être déjà en chasse, non pour assister à ce galop un peu douteux pour moi, mais pour orner ma collection. Le bon M. Costa m'avait accompagné chez tous les marchands de comestibles. Je fis remplir un flacon à large goulot de beurre salé et très rance. J'achetai du biscuit, quelques livres de fromage, de l'huile et de la chandelle. Le tout pouvait bien peser 20 livres. Polycarpe en fut écrasé. Quand je vins dîner, je le trouvai étendu dans la cour. J'allais ce soir-là coucher de nouveau chez M. O. Le lendemain, après avoir pris le café, nous partîmes dans un canot armé de 6 Indiens ayant chacun une pagaie. Nous débarquâmes. Mon nouvel hôte avait fait apporter à déjeuner. Il me quitta après avoir déposé pour moi un morceau de tortue et un œuf porc salé. Je pendis mon hamac seulement, me réservant de m'installer le lendemain. Il s'agissait de faire cette fois de la photographie tout de bon. Je ne craignais pas de voir le soleil déranger les effets dont j'avais besoin, comme cela m'était arrivé dans mes excursions précédentes. Tous mes modèles étaient à découvert et le soleil ne manquait pas. Je n'avais que l'embarras du choix. J'allais donc planter ma tente dans la grande case à claire-voie. J'y fis porter tout ce qui m'était nécessaire, mes glaces, mes flacons, qui tous alors étaient bouchés hermétiquement à l'émerie. Une fois tout organisé, et Polycarpe, qui avait été témoin de mes préparatifs, bien prévenu de ce qu'il allait avoir à faire, je me mis à parcourir mes domaines.